Tu t'emprisonnes. De ma voix, tu te passionnes. D'amour fou, tu déraisonnes. Et bientôt, tu t'empoisonnes. Un beau jour, la vérité, elle éclatera. Et là tu sauras, jolie Mélissa, que je suis fou de toi. Chérie, tu sais, il n'existe plus. Il plonge dans toi, dans ton vécu. Mais un beau jour, la vérité, elle éclatera. Et là, tu sauras, jolie Mélissa, que je suis fou. Je suis fou de toi.